Gina, la porte Clichy, à la porte de Clichy, il y avait des CRS, des policiers et des paniers à salade. Le quartier était bouclé. On est descendu de l'autobus. Le taxi amené jusqu'au panier à salade, tout comme les autobus. C'était un bus à plateforme aérienne. On est descendu. On était presque les premiers. Et Galil policier, un policier me lance. Fatma, elle a raté sa sortie. Moi, ma bouche me démange. La sortie, j'ai dit la sortie. J'ai laissé pour ta mère. Et puis après, il m'a donné un coup de crosse, je suis tombée. Je me suis relevée et j'ai dit, donne, je sais m'en servir. Il y avait une femme, une Française. Son mari, son Ammar. Son mari s'appelait Ammar. Elle avait un garçon sur ses genoux. Un policier est arrivé, il lui a mis une de ses claques. Il lui dit, celle-là demande leur droit. Et toi, que fais-tu là? Elle dit, je suis venue pour le fils d'Ammar. Il lui dit, avant t'étais avec les Allemands, et là t'es avec les indigènes, avec les bougnoules. Moi je gueule, moi j'accepte pas le bougnoule, j'accepte pas les indigènes, on n'est pas des indigènes, on est des gens comme tout le monde. Et puis dit non. Ils ont rempli les paniers à salade. Ils nous ont emmenés ici, dans le 17e arrondissement. Il y avait deux sœurs. Il y avait deux sœurs que je connaissais de Gennevilliers. Elles pleuraient et j'ai demandé pourquoi. J'ai dit c'est un jour béni pour l'Algérie. Le drapeau algérien s'est dressé. Faites des youyou, mes sœurs. Les youyou ont fusé, les foulards s'agitaient. Enfin, beaucoup de choses. Et puis, au bout d'un moment, on était nombreuses. Peut-être 400, 500 ou 600. L'endroit était grand. Quand les policiers sont venus faire l'appel, ils nous ont descendus à la cave. La cave était grande. Les murs étaient en ciment et les bancs aussi. Les frères qui étaient passés par là, avant d'être emmenés à Fresnes, à Vincennes et ailleurs, avaient écrit sur les murs. Ils ont gratté le ciment des murs et des bancs. Ils laissaient des messages. Mais je ne sais pas lire. Je ne me rappelle pas, ça fait un demi-siècle. Je me suis retournée vers les filles et je leur ai montré les messages. J'ai demandé qui avait du rouge à lèvres. Plusieurs filles m'ont répondu. J'ai dit écrivez, dessinez le drapeau algérien. Elles l'ont écrit. Tous les murs étaient rouges. On a fait tout ce qu'on pouvait.